C'est Tortoli et Arbatax. C'est Radio Panique. C'est 105.4. C'est formidable. C'est Tortoli et Arbatax. C'est Radio Panique. C'est 105.4. C'est formidable. Yes, salut tout le monde, c'est Tortoli Arbatax, Radio Panique 105.4, tous les mardis 18h-19h, c'était Fort Boyard. Yes, aïe. Ça va Arbatax? En forme et toi? Tranquille, tranquille au Macul. On est là. Prêt pour une émission au niveau, comme d'habitude, j'espère que vous avez la pêche à la maison. Yes, il y en aura pour tout le monde. On va vous mettre bien direct. On va vous commencer par un petit Sexy Sushi, c'est des Nantelles, le titre s'appelle Cheval. Sexy Sushi qui seront notamment aux Nuits Botaniques, mais avant Sexy Sushi, tu veux me faire une petite énigme, Perforax? Pour avancer dans cette émission, Tortoli, tu devras répondre d'abord à une première énigme. Dis-moi. C'est en trois mots. Mon premier est une console de jeu, la dernière de Nintendo. La Wii. Mon deuxième est un port en Normandie, en France. Le Havre. Oui. Mon troisième veut dire groupe en anglais. Putain, des galères, parfois, t'es relou. Allez. We have Ben. C'est ça. Ouais. Oh, j'ai quand même lâché la clé. Oh, tu vas devoir sauter, Tortoli. Oh, c'est pas grave, moi j'aime courir, je suis déjà en maillot de bain, y'a pas de soucis. J'y vais. Allez, je vais la chercher. Mets-nous We have Ben. À plus tard et bon courage. Ciao! Si tu veux la mettre, hein. Perfoura. Je suis à fond les ballons. Perfoura. Je suis à fond. Je suis à fond ma couille. Bon, et ben on va se mettre autre chose. Is it working for you? 'Cause it's working for me.

Yes, c'était bon ça, c'était Hélicoptère de Bloc Party. Juste avant, on s'est écouté une petite carte postale. Une petite carte postale from Liverpool, envoyée par Alice. Pas envoyée par la poste, mais laposte.net. Laposte.net. Alice, une ex-bruxelloise qui nous a fait le plaisir de nous envoyer un petit big up de Liverpool. Voilà, donc bon, si vous aussi, vous avez des cartes postales à nous envoyer, vous pouvez le faire via la page de Panique, la page Facebook Tortolier Arbatax, notre adresse mail Gmail tortolierarbatax@gmail.com. Voilà, pour ce coup-ci, on s'excuse, la qualité était un petit peu moyenne, mais bon, c'est la faute au Fort Boyard. Oh, c'est la faute au Fort Boyard qui commence un peu à tomber en ruine. Voilà, mais c'est ce vieux père Foura qui nous balance ses vieilles cassettes. Oui. Mais t'inquiète pas, le fort est toujours assez solide pour qu'on continue l'émission. Le fort est bien gardé. Donc merci Alice pour tes cartes postales et on repart tout de suite sur un petit métronomie. My voilà. Heart Rate Rapid. Métronomie. A tout à l'heure. C'est bon ça. We'll be right back. Yes, ça c'est bon ça. C'était Metronomy, My Heart Rate Rapid, issu du dernier album Nights and Out, il me semble. Voilà, le leader Joseph Mount. Et dis donc Arbatax. Dis donc, il serait pas 18h20? Quelle heure est-il? Ah oui, il est 18h20, c'est l'heure de l'agenda. De l'agenda Q, l'agenda culturel, l'agenda culturel. À ton tour, yes. The ladies first. Ah mais oh là là, c'est de la moquerie que tu fais, c'est dégueulasse. Non, j'exerce mon English. Ah, très bien. Je vais mettre un petit peu de musique quand même, je préfère parler sur de la musique. Bah si tu veux, fais-toi plaisir, ça fait. Voilà, alors dans mon agenda culturel, nous avons le début des parcours d'artistes à Saint-Gilles, Singilis, 1060. Yes. Yes, plus de 400 artistes, 204 ateliers, des expositions, des performances. Où ça? Parvis de Saint-Gilles. Dans tout Saint-Gilles. Dans tout Raté. Saint-Gilles, pardon. La soirée d'ouverture, c'est vendredi, le 7 mai, ça a lieu à 18h. Le passe-parcours, il est à 5€. Passe-parcours. Passe-parcours. Ah oui, c'est marrant, on était dans Fort Boyard, voilà, justement. Passe-parcours de Fort Boyard, il est à 5€ et c'est à la Maison du Peuple. Donc, en quoi ça consiste? En gros, c'est de... Le public galère. Explique-nous. Le public est invité à choisir de visiter et de rencontrer les artistes qui exposent au sein de leurs ateliers. Uh-huh. Où ça? Bah... Dans la commune de Saint-Gilles, tu ne suis pas, tu ne suis pas, ça fait bien plaisir. Désolé, mais on parlait plus fort, monsieur, on n'entend pas. Excusez-moi. Le parcours d'artiste, donc c'est sur 3 week-ends du mois de mai. Ce week-end qui vient, 8 et 9, l'autre d'après 15-16, et celui encore d'après, le 22-23, voilà. Et si on veut des renseignements... On se gratte, et ensuite on va voir www.parcoursdartiste.be. Elle est belle. What's next? Est-ce que tu nous ferais pas rire un peu ce week-end? Mais si, bien sûr, parce que tu n'es pas sans savoir. Tu nous fais déjà rire le mardi, mais... Toi, tu n'es pas sans savoir, Arbatax, que... Bon, samedi, c'est un peu ta fête nationale. Voilà, voilà. C'est la journée internationale... Du rire, voilà, exactement. Merci Guy Montagnier pour ce petit jingle. C'est samedi 8 mai, et le but de la journée, c'est quoi? C'est d'améliorer la qualité des relations entre les gens. D'accord, mais alors comment ils comptent faire ça? Eh ben, ça peut passer notamment par des méga séances gratuites de yoga du rire à 15h et 16h. Yoga du rire. Ouais, d'accord. À 15h et 16h, place de la Monnaie. On y va, on rigole de... On ne sait pas quoi d'ailleurs. Parce qu'en ce moment, c'est un peu morose. T'as envie de rire? Qu'est-ce que tu fais? Bah, je répare mon micro et puis en même temps je rigole à tes blagues. Ouais, c'est mignon. J'exerce mes zygomatiques. Merci. J'ai autre. Qu'est-ce que t'as d'autre? J'ai une autre chose à vous proposer. C'est la fête de l'iris. La fête de l'iris. Ouais. Ah, la fête de l'iris. Ah, j'adore. Mais à peu près, ouais. Fête de l'iris, c'est genre. Non. Ah, j'adore ça. On ressent les Guinness, les trèfles, les chapeaux de forme tout vert. Ah, j'adore ça. C'est génial. Alors, qu'est-ce qui se passe à la fête de l'iris? Non, c'est pas la fête. Alors, attends. Vas-y. Baisse-moi cette. Qu'est-ce qui. C'est pas ça. Irish, l'irlandais, le Irish Coffee. Non, c'est pas ça. C'est la fête de Iris. Ah, d'accord. Iris, pas les rouquins qui font la fête. Ah, non, d'accord. Et, qui d'accord. Se coquent les autant trèfles. Autant pour moi, autant pour moi. Non. Fête de Yiddish. Bah, ça, j'adore ça. Non, j'adore. Pas la c'est fête. Une autre culture, mais c'est plus. Ouais. Non, c'est la fête. Fête de Yiddish, là. Ah ouais, ça va ressembler un peu à ça. C'est pas ça, merde. Non, c'est pas la fête de... Alors, Hard Attacks, on va reprendre au début. Bah explique-moi, j'ai... Et enlève-moi cette musique d'Irlandais, yiddishien, là, ou juif. Je ne sais quoi. Ce n'est ni Irish Coffee, ni Yiddish. C'est Iris. Yiddish Coffee. Iris comme la fleur. Voilà. Donc c'est la fête ah, de l'Iris. Iris, ok. Autant exactement. Que... Ouais, la fête de Bruxelles, quoi. La fête de Bruxelles. Arrêtez, région Bruxelles capitale. Articule. Voilà. Merci de me laisser cette musique derrière moi pour parler. J'ai envie de danser. Louis de Funès, si tu nous regardes. Donc la fête de l'Iris. Comment ça se passe? Je vais finalement t'expliquer comment ça se passe. Il y a des concerts gratuits, notamment Christophe est génial, Christophe. Le samedi et dimanche Nouvelle Vague. Voilà, c'est à partir de 19h. Il y a aussi dimanche des apéros urbains. Il y a plein de performances déambulatoires, pardon. Déambulatoires. Oui, déambulatoires. Qui déambule. Tu vois? Ma grand-mère en a un. Un déambulatoire. Un déambulateur. Ah ouais. Pardon. Ah ouais. Un déambulateur. Ah, très bien. Bah, peut-être que tu peux venir alors avec ta grand-mère qui déambulera au même en rythme avec les performances sur la place des palais, sur la place aussi de la place royale là. Enfin, les places. Place du musée, voilà, en face du bip, etc. Merci de m'avoir coupé cette musique. Pas de quoi. Idichisante. Merci. Même chiante, même. Ah. Voilà, performance déambulatoire, c'est la fête de l'Iris. Et plein d'animations, il n'y a pas de. Il y aura de la danse, il y aura des comiques, du cirque. Ah, bah là, t'en auras pour ton argent, Arbataille. Ah, bah surtout que c'est gratuit. Et également, outre venir avec ta grand-mère en déambulatoire, tu peux venir avec ton vélo. Ah yes. Tu peux venir avec ton vélo et on fera pimper. On le fera pimper ton vélo. Pimp my bike. Ouais, on fera pimp my bike. Yeah. Autant tu as déjà dû faire pimp my wife ou pimp my car, mais là t'as pas dû faire pimp my bike. Pas encore, j'attends vivement ce week-end. Ouais, ça fait beaucoup de mots en anglais. Donc tu peux venir en vélo et là on te décorera. Il y a des ateliers, des stands, des gens très sympathiques. Tout ça sous le soleil. Tu viendras en vélo ou pas? Bah je pense, ouais. D'ailleurs le vélo ça me fait penser à un petit morceau cette fois-ci, je pense que tu peux vas le valider celui-là. Ah vas-y, okay. On va voir. Vas-y. Allez, envoie la sauce. C'est parti, j'envoie un petit triplette de Belleville, Mathieu Chédid. Pas mal cet agenda culturel. Et on se rejoint pour un autre agenda culturel. À ah toutes. Oui. Machine à clous. Moi je veux être frippé, triplement frippé, frippé comme une triplette de Belleville. Je veux pas finir ma vie à Acapulco, dans ces tourelles avec des gigolos. Moi je veux être tordu, triplement tordu, balancé comme une triplette de Belleville. Allez les filles, allez. Ah ouais, tu m'as fait plaisir là quand même. Yeah, merci. Tu vois. Ah ouais, ouais, un petit Mathieu Chédid, il me semble. Les triplettes de Belleville. Les triplettes de Belleville. Ok, voilà, pas mal. On s'approche tranquillement de la demi de 18h30 sur Tortoli Abatax. Abatax. On Radio Panique. On Radio Panique. Et bah non, on tout ça, c'est parce que tu veux que je t'annonce que c'est ton heure. Yes, c'est l'heure de l'agenda. C'est mon tour. L'agenda culturel. L'agenda culturel. Ok, ok. Oui, oui, brave Jean. Alors, qu'est-ce que... Oh là là, Tortoli. Pendant qu'on écoutait les triplettes, vas-y, dis-moi. Je pense que tu as oublié de préciser qu'il y avait les apéros électroniques pendant la fête de l'Iris. Les apéros électroniques ou les pique-niques électroniques? Les pique-niques. Les... Oh putain, j'ai fait non, un mélange, non, j'ai fait un ah mélange. Non, pas les... Je sais pas. Hein. Attends, mais moi, pique-nique, c'est un truc de ouf, ça me fait penser à plein de trucs, quoi. Tu... Ah putain. Ah, attends, ferme les yeux, vas-y. C'est ça. Et les pique-niques électroniques pendant les fêtes de l'Iris. Oui, mesdames et messieurs, c'est le retour du printemps. C'est bientôt l'été. Ensuite, en ce qui concerne l'agenda culturel de Darbatax, je vous annonce qu'à Jet, les 8 et 9 mai, ce week-end, il y a Mixture Urbaine. Je pense que vous avez vu les affiches en ville. À la cité Esse Game, c'est la 5e édition de ce festival organisé par l'ASBL Tarantino. Mixture Urbaine. Tarantino a... comme. Comme le réalisateur. Bernard. Lui-même, Bernard Tarantino. Ok. Mec. On est bien. Ok, ouais, non, un grand fan bien. De cinéma, je vois. Alors, il y aura pas mal d'animations, du skate, de la danse, du grave, du BMX, des barbecues, etc. Plein de... Des barbelés. Plein de gamins dans tous les sens, que du kiff. Et puis, surtout, des concerts en fin d'après-midi et en soirée. Le samedi, par exemple, Pablo Andrés, du rap latino. Et puis surtout, pour clôturer la soirée du samedi, Jeruz Damaja à partir de 22h. Jeruz Damaja, un vieux de la vieille, un New-Yorkais, un rappeur qui a connu DJ Premier, qui a connu l'époque Gangstar, etc. Donc, très bien, très bien. Jeruz Damaja, voilà, old school hip-hop. Et puis dimanche. Dimanche, c'est Sœur Samuel qui clôture les concerts dimanche soir. Et je sais pas, sur l'affiche, moi j'ai vu Sœur Samuel et Sayan Supakru. Je sais pas s'ils nous annoncent qu'il y a tout le Sayan qui serait là, ce serait énorme, mais je sais pas pourquoi ils. Ah, mais attends, mystère, là je reviens juste de mon pique-nique en fait. Là j'étais encore avec mes cornichons et tout. Voilà. Nanana. Ouais, Sœur Samuel, apparemment, qui. T'aurais une petite info aussi sur Sœur Samuel qui fait un featuring sur un album d'un rappeur bruxellois. Voilà, on voit les affiches partout, là. Gandhi, là, ces posters qui nous annoncent un album qui s'appelle Le Point G. Un nom super provoquant et tout. Mais voilà. Énorme quoi, Gandhi. Il faut des. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit featuring Kerry James et Sœur Samuel, exact. Ok. Exact. Donc Gandhi, qui serait un rappeur bruxellois au flow dévastateur. Dévastateur, mais. Et aux lyrics. Défonce quoi, magnifique. Dévastateur et novateur, je dirais. D'ailleurs, il a ce mec comme parrain. Enfin, une sorte de. Oui, c'est ça. Un appui d'épaule. Un appui de base. Ouais, une bonne baraque, Une bonne masse. Gandhi, ce mec-là, ce rappeur, il a un appui qui s'appelle Sefiu. Sefiu, c'est un rappeur from Paris, il me semble. Ouais, c'est tout un à français. Fait, ouais. Tout à fait, celui dont on ne voit jamais les yeux avec sa visière sur la tronche. Là, parce qu'il louche, semble-t-il. À mon avis, il doit loucher. Sûrement. Et justement, ce Sefiu, il parle de Gandhi. Écoutez un peu ce que ça donne, ça va vous plaire. Compliment sur compliment, je crois. C'est dans la répétition, c'est du Jean-Michel Larquet dans le texte. Sefiu sur Gandhi. Du rap. Belge, mais avant tout c'est du rap. Voilà, c'est du rap de Belgique, mais c'est du rap. Dans tous ces aspects. Et donc voilà, big up à toi frérot. Yes. Ok. Tortoli, bien trouvé ça. Donc, attends, mais il croit vraiment faire des compliments à Gandhi. Attends, tu peux nous le remettre? Ouais. Qu'est-ce qu'il dit exactement? En fait, j'ai l'impression qu'il veut dire que c'est du rap, mais j'en suis pas. Il trouve ça tellement bien qu'il trouve pas les mots, je crois. Écoute bien. En ce moment, je pense que c'est du rap belge, mais avant tout c'est du rap. Voilà, c'est du rap de Belgique, mais c'est du rap. Dans tous ces aspects. Et donc voilà, big up à toi frérot. Ah ouais, énorme. J'adore sa verve. Et sa verve. Mais déjà qu'il avait pas de plume, mais alors là, le mec, non, il a mais pas là, de. Énorme. Mais c'est un appui de poids. Je pense que Sefiu a tout dit. Sefiu, Gandhi, les révolutionnaires du rap. Du rap. Du rap de Belgique, oui, mais du rap. C'est ça. Du rap belge, mais c'est du rap. Du okay, rap. Du bien. Rap de Belgique. Tout est dit. Dans tous ses aspects. Merci, merci, merci pour ce... Bref, vous n'entendrez pas Gandhi dans cette émission et sûrement pas ses fiou non plus. Bref, bon, je vais finir mon petit agenda. Tu vas pas te faire que des amis, Herbatax. Hein. Moi, je te le dis. T'inquiète pas, on est bien protégé. J'ai fermé le fort en bas, le Fort Boyard. Oh, personne ne rentre. Elle est belle, cette thématique du Fort Boyard. Ah, putain. C'est les vacances, pour moi, c'est Oléron. Allez, on va se finir rapidement, Torsoli, si tu veux bien. Arrêtez de me couper. J'annonce vite fait que samedi, donc si vous n'allez pas à Jet et si vous n'allez pas à la fête de l'Iris, vous aurez tranquillement Boris Viande. Vous aurez Boris Viande au bar du matin. C'est la deuxième fois qu'il passe au bar du matin. La première fois, c'était il y a un mois ou deux, il avait enflammé le dance floor. Il va recommencer, il va remettre ça donc au bar du matin à Albert. C'est gratos, c'est à partir de 22h. Boris Viande, on en a déjà assez parlé, hein, musique de l'Est. Du ska, des ondes, des bonnes ondes balkaniques, et ça c'est du très très bon. Au Recyclar, Missile, au Recyclar, quand est-ce que c'est, Tortoli? C'est vendredi, mais c'est pas mon agenda culturel. D'accord, non mais dans ce cas-là, ne participe pas, laisse-moi dans ma... Non mais j'étais tranquille, j'étais peinard. D'accord. Et toi tu viens me parler. Voilà, bon, vendredi, il Missile. Il est au point, il est au vendredi, point. Missile. Ça, il t'en coûtera quelques euros, mais tu peux aller voir Missile. Et puis ensuite, il y a les Nuits Botta, mais avec Tortoli, on a dit qu'on n'en parlait pas trop parce que il y a déjà assez de com comme ça, c'est déjà assez fat comme ça. On peut juste dire que We Have Band, qu'on a passé en début d'émission, passe vendredi. Il y a encore des tickets, j'ai vu ça sur internet. Ouais. Et puis il y a aussi Le Peuple de l'Herbe samedi. Et puis ça continue sur la semaine prochaine et encore et encore et encore. On aura l'occasion d'en reparler. Voili valou. Voilà, c'est du rap belge. Quoi. Allez, maintenant on repart avec le son. On aura So Cold qui va venir en deuxième, mais tout de suite c'est Belle Ruche avec Minor Swing. Le Minor Swing de Django Reinhardt, repris par les Canadiens de Belle Ruche. C'est bon ça. À tout à l'heure. Chose riding the roads like a creek, and they'll try to do it. Tortolier Batax, les deux grosses mythes de Radio Panique. Merci pour ce petit jingle, c'était bon ça. Juste avant c'était Belle Ruche Minor Swing et là on se met un petit So Cold, le Canadien. Bim, bam, bam. Zink der Seide, zink der Socken, bim, bam, bam. Sinken Strahlen, fallen, fallen, flim und flam. Sog die Bobe, scheine Dobe, Gott von Avram. A gute Woche, die Welt, der ganze, a gute Woche. Hatte noch auf dolle Wein, a bissl noch. Mame morgen wieder sorgen in der Korn. Singt der Seide, singt der Sorgen. Begin, bam, bam, bam, bam, bam. Still his friend said, I won't bluff, I'm just not getting laid enough. And getting laid is one thing, it's clearly a fun thing. But sometimes nothing's better than something. I thought you learned to love me and it got me so excited. I was delighted, usually unrequited. Why should I get what I dream? It's making me scream. When I scheme, it turns out that they're playing for the wrong team. Swarm like black flies, not that a lack tries. If I wink at the wrong one, I could wind up with black eyes. I'm not the problem, it's my expectation. Standards are high like law school entrance examination. Still is, friend. And the boys say, man has no CD. I'm still dealing with this heart attack. And the girls say, I just need a little touch. I know it's not much, but it's such. I feel like one leg and no crutch. Oh my, oh me, can I be the only? If practice makes perfect, why do I suck at being lonely? Not enough wham bam and thank you mammon. My heart's a tsunami, flood, mudslide, famine, slamming. Uncle Sam forgot to hand his examine. Looking for a rhombus to stick my parallelogram in. Just want you to play with my dingalinga. Put your heart through the ringer, my giga. Just want you to play with my dingalinga. Put my heart through the ringer, call me Pope Rap Singer. And all the boys say, Bim has no CFO. Bim's no dealer with his heart attack. And all the girls say, Bim has no CFO. Bim's still dealing with his heart attack. Call party over here. Señor. Yeah, c'était So Cold. C'était So Cold. Ok. Yes. Cool. Oh, tiens, une petite visite en haut du fort. Ah. Dans nos studios. Putain, un mec. Qu'est-ce que c'est? Vas-y, rentre. Salut. Qu'est-ce qu'il y a? Oh là. Ah ouais, t'as vu. Ah, t'as dû mettre du temps à monter. Dis donc, mais c'est Passepartout qui nous rend une visite. Exactement, yes. Mais on avait oublié. Bah ouais, c'est la spéciale Fort Boyard. Mais Passepartout, ça fait 45 minutes qu'on t'attend là. T'as mis du temps à monter. On t'attendait plus, Passepartout. Tu hein? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux faire une chanson? Bon tu bah veux... vas-y. Bah vas-y, on envoie la sauce. Ok. Chanson. Direct. Oh là. Allez mon grand. Un grand vaisseau de pierre au milieu de la mer. Une salle au trésor. Il faudra être le plus fort. Du haut de sa vigie, y'a le père Foura qui sourit. Cette fois-ci c'est parti, c'est plus moment de faire pipi. Et le plus vite possible, il faudra toutes les clés. Pour toucher à la cible et tenter de gagner. Pour la clé à la mer, il faudra se mouiller. C'est pas dans la galère qu'il est temps d'hésiter. Je suis Passepartout du Fort Boyard. Je guide les casse-coups dans les traquenards. Qui rêvent de sous et de boyard. Hey! Je suis Passepartout du Fort Boyard. Je sonne le gong du grand départ. L'esprit d'équipe est toujours là. Vous allez bien ce soir? C'est chaud. C'est chaud. Passepartout, tu te calmes, c'est notre émission, c'est Tortelière Batax là. Oh là là, tu vas te calmer un peu. Calme-toi, Passepartout, tranquille. Dis donc, bon bah Passepartout, merci de ta visite. Tu retourneras pas voir les tigres là, ou je sais pas qui, la boule. Attends, ou mais qui. Laisse tomber, il t'écoute même pas, regarde, il continue à chanter là de l'autre côté du studio. Ah, arrête. Bon, ah. Passepartout, je te le dis en trois mots, bouge de là. Yes, Claude MC, bouge de là. Comme dirait MC Claude. Allez, arrête, Passepartout. Lâche-moi la jambe. Bouge de là, Passepartout. Là-bas dans la ville qu'on appelle Maison Alfort. Quand je vois une Fatma chelou qui fait vibrer son corps. Elle me dit MC Solar, viens là que je te donne du réconfort. J'ai dit non merci c'est très gentil mais je ne mange pas de porc. Elle m'a fait bouge de là. Bouge de là. Bouge de là. Bouge de là. Je continue mon trajet, j'arrive vers la gare de Lyon. Quand je vois un gars qui se dit vraiment très fort comme un lion. Il me dit Claude MC, est-ce que tu veux qu'on se porte? Ces hématomes étaient plus gros que les seins de Samantha Fox. Il m'a fait bouge de là. Bouge de là. Bouge de là. Bouge de là. Ma voisine de palier, elle s'appelle Cassandre. Elle a un petit chien qu'elle appelle Alexandre. Elle me dit Claude MC, est-ce que tu peux descendre? J'ai pris mon magnum, j'ai du mal comprendre. Elle m'a fait bouge de là. Bouge de là. Directement, je suis allé chez Lucie, qui aime les chiens, les chats et 30 millions d'amis. Elle me dit t'aimes les animaux, toi mon super MC. J'ai dit oui, j'adore, avec du sel et bien cuit. Elle m'a fait bouge de là. Bouge de là. Bouge de là. Bouge de là. tard, dans le métro y'a un char clos qui traîne. Il me raconte toute sa vie, il me dit qu'il vient de Rennes. Ensuite il me dit qu'il pue, qu'il faudrait qu'il se baigne. Lui dis jette-toi dans les gouttes, t'arrives direct dans la Seine. Il m'a fait bouge de là. Bouge de là. Bouge de là. J'arrive sur le boulevard Barbès. Quand je vois un de mes amis qui venait de Marrakech, il me dit Arwa, Arwa, je t'achète tes rap en dinars. J'ai dit non, je veux des dollars car on m'appelle Solar. Il m'a fait bouge de là. Bouge, bouge de là. Bouge, bouge, bouge de là. Bouge, bouge de là. Alors j'ai bougé. J'ai dû m'en aller. Partir, bifurquer. J'ai dû m'enfuir, j'ai dû partir, j'ai dû m'éclipser, j'ai dû me camoufler, j'ai dû disparaître pour réapparaître. Oh, bouge de là, bouge de là. Tortoni et Arbatax tous les mardis de 18h à 19h sur Radio Panique. Yes! Alors c'était, vous l'aurez reconnu, Claude MC Solar avec Bouge de là, un titre tiré des albums des années 90, il me semble. Cultissime, cultissime. 91 ou 92, voilà. On s'est fait un petit plaisir. On aurait pu se le mettre dans les classiques, mais on va s'en garder un gros. C'est le cas de le dire pour après. Et voilà, donc on s'approche de la fin, 7h-5, vous étiez sur Tortoli à Batax. Radio Panique 105.4. Alice, merci pour ta carte postale from Liverpool. Chers auditeurs, n'hésitez pas à nous envoyer des cartes postales sonores à notre adresse tortoliherbatax@gmail.com. Sur la page Alice, Facebook. On sait que tu nous en as envoyé plusieurs, donc on n'hésitera pas à en remettre, sûrement la semaine prochaine. Tu nous fais des messages perso. Très bien, c'est bon. Ah, mais qu'est-ce que tu fais, Arbatax? Allez, viens, arrête Arbatax. Viens, viens, viens, viens. Non, je peux lâche pas. Ta Game Boy. Ah non, c'est bon, on a fini là. De toute façon, je suis au dernier niveau, je peux pas arrêter, je suis contre le boss final. T'as Nintendo de merde là. Attends. Ouais, super. Yeah. Arrête. Yeah. Mais viens dire au revoir à tes auditeurs. Non, je peux pas arrêter, Viens dire au revoir à tes auditeurs. Ah, j'explose mes records là, laisse tomber. Oh là là. Attends, je vais te la prendre, tu vas voir, ça va gueuler. Aïe. Mais non, mais. Arrête, rends-la-moi. Allez, rends-la-moi. Ah, tu vois, fais-moi le malin là. Voilà, c'était Tortoli Arbatax. C'est Arbatax qui continue à jouer à Mario Bros. Mais c'est pas grave, je vais le latter quand même. Et on vous donne rendez-vous d'ici environ 7 jours. C'est pas fini. Il est pas fini. Vous nous retrouvez mardi prochain pour une nouvelle émission, toute fraîche, toute belle. Viens voir ça, Tortoni, viens. Non, mais. J'arrive contre le boss. Il est incroyable. Quel geek. Attends, mais t'es rendu au boss de fin? Non, moi j'ai mieux que le boss de fin. J'ai Notorious Big. Notorious B.I.G. Ah, ok. Yes, avec le titre Hypnotize. Ça sera notre classique de la semaine. On vous donne rendez-vous mardi prochain, 18h-19h. Arbatax, lâche-moi cette Game Boy. On va régler ça à coup de brute, à coup de tatane, à coup de coco. C'est ça, ouais. Bah, fallait me dire tout de suite que t'avais un boss mieux que Mario. Oh. Notorious B.I.G. Come on. Ha, sicker than your average. Pop a twist, cabbage off instinct. Niggas don't think shit. Stink pink gators. My Detroit players. Tim's for my hooligans in Brooklyn. Dead right, if the head right. Biggie there, and I. Papa been smooth since days of under rules. Never lose, never choose to. Bruce Cruz who do something to us. Come on. Talk go through us. Girls want to us, wanna do us, screw us, who us? Yeah, Papa and Pop. Close like Starsky and Hutch, stick to clutch. Yeah, I squeeze three at your cherry M3. Bang every MC easily. Take that. Huh? Recently, niggas frontin' ain't saying nothing, so I just speak my peace. Come keep on my peace. Cubans with the Jesus peace. Thank with you. My peeps, packing, asking who want it. They got it, nigga flaunt it. That Brooklyn bullshit, we on it. Biggie, Biggie, Biggie, can't what you see. Sometimes your words just hypnotize me, and I just love your flashy ways. I guess that's why they're broken, you're so fake. Biggie, biggie, biggie, can't you see? Sometimes your words just hypnotize me, and I just love your flashy ways. I guess that's why they're broken, you're so fake. I put hoes in NY onto DKNY. Miami, D.C., prefer Versace. That's right. All Philly hoes know it's Moschino. Every cutie with the booty boy the coochie. Now who's the real dookie? Meaning who's really the shit? The niggas ride dicks. Frank White push the sticks on the Lexus LX. 4.5 bulletproof glass tints if I want some ass. Gon' blast weasels, ask questions last. That's how most of these so-called gangsters pass. At last, a nigga rapping about blunts and bras, tits and bras, menage a trois, sex and expensive cars. I still leave you on the pavement. Condo paid for, no car payment. At my arraignment, no for the cleaning. Your daughter's tied up in the Brooklyn basement. Face it, not guilty, that's how I stay true. Richer than richer, so you niggas come and get me. Come on. Biggie, can't you see? Sometimes your words just hypnotize me, and I just love your flashy ways. Guess that's why they're broken, you're so fake. Can't you see? Sometimes your words just hypnotize me, and I just love your flashy ways. Guess that's why they're broken, you're so fake. I can fill you with real millionaire shit. That's cargo, my cargo. 160, swiftly. Wreck it by a new one. Your crew run, run, run. Your crew run. I know you sick of this name brand. Nigga with flows, girl, stay heat. Sweet like licorice. So get with this, nigga, it's easy. Girlfriend, here's a pick. Call me round 10, come through, have sex on rugs, that's Persian. That's right. Come up to your job, hit you while you're working. For certain, pop a freaking, not